version des personnages du Armageddon. Fin du monde. Apocalypse biblique. Cataclysme millénariste. Fléau. Apocalypse. Extraterrestre détruisant la Terre de laser. Guerre mondiale. Virus. Apocalypse biblique. Fin du monde. Passage dans la quatrième dimension, dû à l'inversion du courant de l'énergie. Cataclysme. Armageddon. Modification climatique. Invasion extraterrestre. Boule de feu explosant la Terre. Cataclysme millénariste. Fin du monde. Bug de l'an 2000. Destruction du monde par Satan. Extraterrestre. Choc avec une autre planète. Apocalypse nucléaire. Bombardement. Tremblement de terre. Fin du monde. Changement climatique. Fonte des glaces submergeant les continents. Émission de gaz mortel due au déplacement du pôle sud de l'axe de la Terre. Cataclysme nucléaire. Guerre nucléaire. Fin du monde. Trou noir. Jugement dernier. Peste. Apocalypse. Catastrophe naturelle. Fin spirituelle du monde. Astéroïde géant percutant la Terre. Armageddon. Combat entre Jésus et la Trinité maléfique. Satan. L'Antéchrist. Le faux prophète. Guerre avec des extraterrestres. Catastrophe écologique. Fin du monde. Chute du système mondial. Pandémie. Impact avec un météorite. Prise de pouvoir par une intelligence artificielle. Arme biotechnologique. Arme de destruction massive. Épuisement des ressources. Surpopulation. Affrontement des nations. Guerre. Fin du monde. Tremblement de terre. Tsunami géant. Effondrement des continents. Basculement des pôles. Éruption volcanique. Météorite géante. Guerre atomique. Virus. Fin du monde. Invasion extraterrestre. Explosion du soleil. Extinction du soleil. Fin de la gravitation. Explosion d'une supernova. La Terre tombe dans le soleil. La Lune tombe sur la Terre. Fin de la couche d'ozone. Déluge. Armageddon. Jugement dernier. Fin du monde. Les spectateurs sortent du cinéma. Les spectateurs sortent du cinéma et tout le monde meurt. Les spectateurs sortent du cinéma, puis il y a un tremblement de terre et tout le monde meurt. Les spectateurs sortent du cinéma, puis il y a un tremblement de terre et John saute par-dessus une faille qui s'ouvre au milieu d'une grande avenue pour sauver Sally et tout le monde meurt.

spectateur sort du cinéma, puis un tremblement de terre du réchauffement climatique et John saute par-dessus une faille qui s'ouvre au milieu d'une grande avenue pour sauver les alliés. Il monte dans des voitures, il pose dans l'aéroport en esquivant une pile de météorites. Il grimpe dans un avion, il évite juste un animal qui leur tombe dessus. L'avion se crache sur une montagne. Une expédition survivante traverse les montagnes à pied. Ils se mangent les uns les autres et John et Sally sautent par-dessus un gouffre pour échapper aux cannibales. Ils se rattrapent sur le report, une extrémiste et trouvent un abri dans un monastère de moines reclus. Ils font l'amour et ils créent une communauté de survivants. Ils font des enfants et des années plus tard, ces enfants sont grands et reconstruisent et repeuplent le monde. Et les enfants des enfants deviennent des spectateurs et les spectateurs sortent du cinéma. Les spectateurs sortent du cinéma et tout le monde meurt. Que se passe-t-il ? On dirait un tremblement de terre. Non ! Attention ! Saute ! Accroche-toi ! Par ici ! Prends ma main! Oh, ne me lâche pas! Monte dans la voiture! Vite, suivez-moi! C'était moins une. Je n'arrive pas à y croire. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'allons-nous faire maintenant? Y a-t-il un espoir pour l'humanité? Nous devons continuer à avancer, coûte que coûte. Il n'y a aucun abri. Vite, montez dans l'avion! Nous n'avons plus de temps! Où allons-nous maintenant? J'ai entendu parler d'un endroit à l'abri des radiations! John! Réveille-toi, John! Nous n'avons plus de temps! Je ne vais pas l'abandonner! Nous n'avons pas le choix! Nous avons toujours le choix! Et Harry? Il est mort, et il a donné sa vie pour que nous continuions! Faisons en sorte que ça compte! Fourrez! Quel est cet endroit? Halte là! Qui volant? Suivez-moi! Avez-vous ce qu'il faut pour survivre? On ne peut nous arrêter, même pas vous et votre armée. Vous n'avez aucune chance face à mes super canons laser. Prends ça, sale terroriste. C'en est fini de son règne de terreur. Attention, tout va nous tomber sur la tête. Ça n'est pas passé loin, sauve-toi d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Je ne partirai pas sans toi. Nous l'avons fait. Youpi, nous sommes toujours vivants. Je n'ai jamais osé te le dire, mais en fait, je t'aime. Viendra-t-il de l'humanité? Eh bien, il faudra tout reconstruire. Ça prendra du temps, Et à la fin, nous y arriverons. Et nous retrouverons notre style de vie consumériste et innocent. L'art contemporain. L'art contemporain est à l'art ce que le ballet est à la danse. L'art contemporain est au ballet ce que l'art est à la danse. L'art contemporain est à la danse ce que le ballet est à l'art. L'art contemporain est à l'art ce que l'opéra est à la musique. L'art contemporain est au ballet ce que l'opéra est à la danse. La danse est à l'art contemporain ce que l'opéra est au ballet. La musique est à l'art contemporain ce que la danse est à l'opéra. L'art est à l'art contemporain ce que l'opéra est au ballet. L'art contemporain est à l'art contemporain ce que l'art contemporain est à l'art contemporain. L'art contemporain est une série de conventions étriquées qu'on inculque à la chaîne dans les écoles d'art contemporain est une série de conventions étriquées qu'on inculque à la chaîne dans les écoles d'art contemporain est une série de postures imposées qu'on inculque à la chaîne dans les écoles d'art contemporain est une série d'impostures posées qu'on inculque à la chaîne dans les écoles d'art contemporain est une série de postures imposées par des gens qui se sont appropriés tout ce qui touche à l'art contemporain est une série d'impostures posées par des gens qui se sont appropriés tout ce qui touche à une série d'impostures posées par des gens qui se sont appropriés l'art contemporain est une série de postures imposées par des gens qui se sont appropriés tout ce qui touche à l'art contemporain est une série de conventions étriquées qu'on inculque à la chaîne dans les écoles d'art contemporain est une série de postures imposées par des gens qui se sont appropriés tout ce qui touche à l'art contemporain est une série d'empilements de cafetières ou de frigidaires qui font référence à l'art contemporain est une série d'objets cryptiques entre les murs blancs d'une institution d'art contemporain est un truc fait par n'importe qui dans une institution de cafetière d'art contemporain est une série d'objets cryptiques entre les murs blancs d'une institution d'art contemporain est un univers hiérarchisé autour des conventions étriquées de l'art contemporain est un truc fait par n'importe quel frigidaire dans un univers aseptisé d'art contemporain est une série de frigidaires blancs entre les murs blancs d'une institution blanche d'art contemporain est une cafetière ultra codée et hiérarchisée entre les murs de frigidaires d'une institution d'art contemporain est un outil de pouvoir. De gens qui se sont appropriés tout ce qui touche à l'art contemporain est un outil de pouvoir. De gens qui pensent que ce n'est pas pour tout le monde l'art contemporain est un outil de libération des peuples. Qui pensent que ce n'est pas pour tout le monde l'art contemporain est un outil d'émancipation de cafetières et de frigidaires empilés par des gens qui se sont appropriés tout ce qui touche à l'art contemporain est un outil de pouvoir. Par des gens qui s'émancipent grâce à l'art contemporain est un outil d'utopie libertaire entre les murs blancs d'une institution d'art contemporain est à vendre pour financer la production à la chaîne de nouvelles œuvres d'art contemporain est un outil d'utopie libertaire à vendre pour financer la production à la chaîne de nouvelles œuvres d'art contemporain est un outil de pouvoir pour financer des cafetières et des frigidaires empilés faisant référence à l'art contemporain faisant référence à l'art contemporain faisant référence à l'utopie libertaire de l'art contemporain faisant référence à la série de conventions étriquées qu'on inculque à la chaîne dans les écoles d'art contemporain est à vendre pour une somme astronomique à des gens qui se sont appropriés tout ce qui touche à l'art contemporain est à vendre comme des cafetières et des frigidaires empilés faisant référence à l'art contemporain est à vendre à des gens qui ont les moyens de se payer de l'art contemporain qu'on inculque à la chaîne dans les écoles d'art contemporain qui sauvera le monde de l'art contemporain est à vendre quand il n'est pas un don au monde de l'art contemporain non l'art contemporain ne tourne pas rond autour de l'art contemporain n'est pas pour tout le monde l'art contemporain et pour le monde entier l'art contemporain c'est pour nous transformer l'art contemporain c'est pour gagner ma vie d'artiste contemporain c'est pour une élite d'artistes contemporains tout va bien les artistes contemporains vont changer le monde. Nous avons besoin d'un nouvel ordre artistique. Un nouvel ordre artistique. Nous avons besoin d'un nouvel ordre artistique. Nous avons besoin d'une case blanche. Nous avons besoin d'une définition du mot art qui soit une case blanche. Nous avons besoin d'une case blanche dans le dictionnaire pour le mot art. Nous avons besoin d'une case blanche que chacun remplit au crayon. Que chacun remplit dans son propre dictionnaire au crayon. Une case blanche que chacun remplit différemment chaque jour. Nous avons besoin d'une case blanche à remplir différemment chaque jour. L'art contemporain veut nous rapprocher. L'art contemporain peut mettre une distance. Tu la sens, ma distance ? Hé ! Tu la sens, ma distance ? Tu le sens, mon spectacle ? Mon spectacle total en toi ? Hé ! Tu le sens, mon spectacle total en toi, dans ta tête ? Tu la sens, ma distance, dans ta tête ? Hé ! Tu le sens, mon spectacle, dans ta tête ? Tu le sens, mon spectacle, tout au fond de toi. Tu le sens, mon spectacle, tout au fond de toi, dans ta tête. Hé ! Mon spectacle, tout au fond, dans ta tête. Tu le sens ? Tu me sens, tout au fond de toi ? Tu me sens, dans ta tête ? Hé ! Ma distance, dans ta tête. Tu la sens, ma distance, dans ta tête. Et toi, et toi le sans rêve, et moi le sans enfant, et toi le sans conscience, et toi oui, toi le sans rêve, et moi le carriériste, et moi l'égoïste, et toi tu vas me laisser rêver. Et toi, le sans rêve, tu vas me laisser rêver ? Tu vas me laisser rêver, oui ? Hé ! Tu vas me laisser l'espace ? Tu vas me laisser respirer ? Hé ! Tu vas laisser quelque chose ? Et toi ? Tu vas laisser quelque chose après toi ? Et moi ? Tu vas arrêter de produire ? Hé ! Tu vas arrêter de produire ? Tu vas arrêter de nous recouvrir de ta production ? Hé ! Tu vas arrêter ton incessante production ? Et toi ? Hé ! Quebec, this world. Lucie.